Un jour, dans un restaurant dans le quartier de Montmartre, une femme qui porte un pantalon, gilet et chemise d'homme s'assoit à une table près de la fenêtre et allume une cigarette. Elle est assez loin de nous pour nous donner notre intimité, mais assez proche pour qu'elle puisse entendre notre conversation dans le restaurant qui se trouve exceptionnellement tranquille. Mon mari ne semble pas être intéressé par sa présence, bien que le restaurant soit quasiment vide. Mais la femme m'intrigue, non seulement à cause de ses vêtements, mais aussi pour sa attitude peu conventionnelle qui suggère qu'elle est la sorte de femme qui n'est pas intéressée par les opinions d'autres. Je me permets de deviner qu'elle est habillée dans les vêtements de son amante. Par ailleurs, ses pantalons sont couverts de poils de chat et ses boucles sont une de sorte désorganisées. La femme appelle le garçon. Sa voix est rauque et elle commande une tarte aux fraises avec une tasse de thé. Je suis sûre qu'elle est l'écrivaine Colette, une femme connue pour sa vie scandaleuse. Mais nous sommes à Paris, la ville où vous pourrez vivre comme vous voulez. Colette ouvre son grand sac et en extrait les éléments suivants. Un journal, un stylo et un livre de poèmes de Sappho.